tu veux du flow là, je vais t'envoyer tout ce que t'aimes. T'as capté mon art, à t'enfant c'est toute quenelle. Mets du sens, mets bien, ça m'évite toute querelle. T'es un voyou, tiens gros beat et nos belles voyelles. Ils portent pas de poubelle, pareil qu'à trop de déchets. Désolé pour le terme, trop de mecs ont chié. La machine a changé, fallait oser. On n'a pas de congé mais fallait bosser. Causer, traumatiser, pros polarisé. Oh shit, et des gosses déscolarisés. On est trop dans le panier, non je ferai pas fortune. Tu rap bien, ouais, mais t'es entouré de faux cul. Box les mots un peu comme une partie de baseball. On parle au monde comme s'ils allaient rentrer en tôle. On rap encore, c'est cool et terrible encore. Premier couplet, c'est histoire de mettre tout le monde d'accord. Un pur sang hip-hop, technique sous hip-hop. Lyrique sous méthode, face B ou bonne prod. Avec tout ce qu'on note depuis l'époque on donne. Sans rien de Boston, 7 c'est Jack Kingston. Rap sans piston, pourquoi nous existons, bon t'es mon fiston, c'est tout ce qu'on discute. Le sens est non-stop, le monde est au top. Et quand le public sort, hip hop hop hop hop. H, parce que le H fait aussi partie de nous. J'ai oublié la rime, ouais. Faut du cash, y'a même plus de sous, d'accord. Vas-y demander à Mozhab Kerim. Ouais, on est loin de Paris et des grosses industries. On se démarque très vite avec notre propre style. Suis, j'ai les mêmes types et la même équipe. Si, gardez la même mine dans chaque titre. Allitération, affolant, textation millimétrée. Déballez la marie, m'arrive, stop. C'est que le medley, hip-hop, microscope. L'amour y vu de près, aux graffeurs et leurs bombes. Tout en restant discret, aimer ou détester. On fera ce qu'on aime, c'est tout. On gardera les mêmes roues, on a les vrac, les clous. On fait du rap, ça tourne, big up en vous encore. Et si tu sens que ça coule, c'est que nous sommes d'accord. Un pur sang hip-hop, technique sous hip-hop. Lyrique sous méthode, face B ou bonne prod. Avec tout ce qu'on note depuis l'époque on donne. Sans rien de Boston, 7 c'est Jack Kingston. Rap sans piston, pourquoi nous existons. Bon t'es mon fiston, c'est tout ce qu'on discute. Le sens est non-stop, le monde est au top. Et quand le public sort, hip-hop, hop, hop, hop. C'est vrai que ça te part, le beat m'accapare. La basse, ta basse grave, limite avance-toi. T'es sûr t'es partant, réécoute avance-toi. Rallume le pétard, qu'on tape tous une barre. Qui cherche la bagarre, l'état ou le bâtard. De toute façon y'a tout grave, à casser une guitare. Ma rage est vitale, l'accent inimitable. Pourquoi t'arrêtes le rap, t'as même pas vu le départ. C'est vrai que ça te part, le beat m'accapare. La basse, ta basse grave, limite avance-toi. T'es sûr t'es partant, réécoute avance-toi. Rallume le pétard, qu'on tape tous une barre. Qui cherche la bagarre, l'état ou le bâtard. De toute façon y'a plus grave, à casser une guitare. Ma rage est vitale, l'accent inimitable. Pourquoi t'arrêtes le rap, t'as même pas vu le départ. Technique sous hip-hop, lyrique sous méthode, face B ou bonne prod. Avec tout ce qu'on note depuis l'époque on donne. Sans rien de Boston, 7 c'est Jack Kingston. Rap sans piston, pourquoi nous existons. Bon t'es mon fiston, c'est tout ce qu'on vise quand. Le sens est non-stop, le monde est au top. Et quand le public sort, hip-hop, hop, hop, hop, hop.